I don't understand, I'm sorry. Could you translate in French? Jose, je comprends pas, je ne comprends pas. C'est quoi ce blaireau là?